Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons terminer ce dernier segment de Futur Simple, toujours en compagnie de Morgane Lemasson, qui reçoit maintenant le docteur Yves Deconinck, qui est professeur, chercheur également à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Bonjour Monsieur Deconinck, bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, Yves Deconinck, vous travaillez sur... vous êtes directeur de recherche à l'Institut universitaire en santé mentale du Québec et vos recherches portent sur les mécanismes qui sous-tendent la douleur, notamment la douleur chronique. Vous venez tout juste de publier le 6 janvier, je pense, un article dans Nature Neuroscience au sujet de la morphine. Pourquoi s'être intéressé à cette analgésique-là? En fait, la morphine, c'est une molécule ça fait partie de la famille de ce qu'on appelle les opiacés, qui viennent de l'opium, des dérivés de l'opium, dont l'opium, c'est une molécule, un médicament qui est utilisé depuis des millénaires par les Chinois. La morphine, depuis plus de deux siècles, ou à peu près deux siècles, il faut comprendre que la morphine, c'est l'analgésique par excellence. Oui, utilisé. Donc, c'est la molécule, c'est important de le souligner, c'est quand même la molécule, notre principal arsenal pour la douleur. Okay. On l'utilise depuis très très longtemps, est utilisé de très largement. Il y a dans la population souvent des réticences à utiliser la morphine parce que c'est souvent associé à des phénomènes de dépendance, etc. Il y a beaucoup d'effets secondaires, même si, je tiens à insister, ça demeure notre outil principal pour traiter la douleur, ça vient avec beaucoup d'effets secondaires. Mmh. Alors, on s'est intéressé à un de ces effets secondaires qui est en fait... l'ironie de la morphine, c'est que dans certains cas, alors que c'est utilisé comme analgésique, des fois, les gens développent une hypersensibilité à la douleur. Donc, c'est dire que même un effleurement va provoquer de la douleur? C'est à ce niveau-là? Alors, ça, on fait référence ici aux douleurs neuropathiques. Alors, les gens, il y a différents syndromes de douleur, mais on s'est beaucoup intéressé dans le laboratoire à ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Ces douleurs où, justement, on développe une allodynie, donc une hypersensibilité à même une sensation tactile. Donc, un moindre toucher chez les gens qui souffrent de douleurs neuropathiques peut déclencher de la douleur. Et c'est ce qui arrive, en fait, dans le cas de la morphine. Il y a des gens qui présentent essentiellement les mêmes symptômes avec une utilisation chronique de la morphine. Donc en fait, j'avais entendu dire aussi que la morphine avait des effets de tolérance mais aussi l'hyperalgie. Alors, tout à fait, c'est ça l'enjeu. En général, on entend parler de la tolérance. Donc, là, ce dont je viens de parler, c'est de l'hyperalgésie. C'est pas tout à fait la même chose dans la présentation du symptôme. La tolérance, c'est essentiellement le fait que quand on prend un médicament, l'organisme, si on veut, répond de moins en moins au médicament et donc il faut en prendre de plus en plus pour obtenir le même effet. Mais là, ce qui arrive ici, c'est qu'on parle aussi de phénomène d'hyperalgésie, où là, on fait référence à une réaction de l'organisme où l'organisme modifie sa condition. Et est-ce que ce sont les mêmes causes biologiques pour les deux phénomènes? Alors, pendant longtemps, évidemment, comme on parle de tolérance à la morphine, c'est-à-dire que plus on donne la morphine, moins on a d'efficacité, les gens se sont dit, une partie de cette tolérance, c'est peut-être le développement d'hyperalgésie. Donc, on devient de plus en plus hyperalgésique, si on veut. Donc, on a besoin d'utiliser de plus en plus de drogues pour produire la même analgésie. Mais en fait, ce qu'on a trouvé, nous, justement, c'est que, à travers nos travaux sur le mécanisme de cette hyperalgésie-là, que, en fait, c'est deux mécanismes qui sont complètement distincts, complètement séparés. La tolérance, c'est dû à d'autres mécanismes qui font que les récepteurs de nos cellules nerveuses, que la morphine cause une inhibition des cellules nerveuses qui sont impliquées dans le relais de l'information douloureuse vers le cerveau, et cette inhibition est de moins en moins efficace. En revanche, ce qu'on observe, c'est que, en fait, c'est ça qu'on a mis en lumière, il y a une réaction d'inflammation à l'intérieur de notre système nerveux central, à l'intérieur de la moelle épinière, et aussi sans doute au niveau du cerveau. et où on, donc il se développe une hypersensibilité. D'accord. Alors là, on peut peut-être expliquer un peu le mécanisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la douleur, moi je dis toujours aux étudiants, hein, pour commencer, quand je vous marche sur le pied, quand ça fait mal, c'est pas dans le pied que ça fait mal, c'est dans la tête. Ça veut dire que le signal part du pied, ça en vient à la moelle épinière, il y a un premier traitement de l'information qui est fait à cet endroit-là, et c'est l'information est envoyée au cerveau. Ce qu'on avait mis en lumière, nous, en fait, il y a une dizaine d'années, c'est que dans les syndromes de douleurs neuropathiques, donc après une blessure au système nerveux, il y avait aussi une réaction inflammatoire au niveau de la moelle épinière, et il y avait un mécanisme là qu'on avait mis en lumière qui expliquait comment est-ce que cette inflammation causait une hypersensibilité des neurones de la moelle épinière qui relaient l'information au cerveau. Et ce mécanisme-là, en fait, on avait découvert que c'était une perte de capacité du mécanisme inhibiteur, ce qu'on appelle endogène, la capacité de notre propre corps à inhiber le relais de l'information. Parce qu'il faut comprendre que la douleur, deux personnes ne perçoivent pas la douleur de la même façon, et une même personne ne perçoit pas la même douleur de la même façon à différentes conditions, etc. La femme qui accouche, par exemple, est beaucoup plus résistante à la douleur qu'en temps normal. Ça, c'est parce que donc on a notre capacité, on a un système au niveau de la moelle épinière pour contrôler la douleur. C'est fondamental. Protecteur, parce que dans certaines conditions, c'est important d'être plus sensible à la douleur. Quand on a une blessure, on devient hypersensible. C'est important pour se forcer à protéger la blessure. Et à d'autres moments, ben, il faut qu'on soit résistant à la douleur parce qu'on est, il faut qu'on puisse fuir une situation de danger, etc. On a des mécanismes d'inhibition interne qui utilisent un neurotransmetteur qu'on appelle le GABA, l'acide gamma-aminométhylique, qui agit sur des canaux ioniques qui sont sur les cellules nerveuses. Ces canaux font, quand ils s'ouvrent, il y a des ions chlorure qui entrent dans la cellule. L'entrée de ces ions-là se trouve à inhiber la cellule. Bon, le mécanisme biophysique est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que les ions chlorure entrent dans la cellule pour inhiber la cellule. Pour ça, il faut qu'il y ait peu d'ions chlorure dans la cellule pour que ça entre. Mm. Pour ça, il y a une pompe qui est chargée de maintenir la concentration d'ions chlorure faible dans la cellule. Ce qu'on avait trouvé dans les douleurs neuropathiques, c'est que l'inflammation causait la perte de cette pompe. Perte de pompe, accumulation d'ions chlorure, perte d'inhibition. Et l'ironie, c'est qu'on avait fait ces travaux-là, ça avait été très intéressant. D'ailleurs, on identifiait une cible nouvelle pour des nouveaux analgésiques, essayer de restaurer l'action de cette pompe. Mais l'ironie, c'est qu'on trouve que la morphine récapitule essentiellement ce qui arrive dans les douleurs neuropathiques. Donc, la grande ironie, si on veut, c'est que l'analgésique par excellence rend certaines personnes neuropathiques. Mmh. Oh là là, oui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'ayant identifié le mécanisme, et surtout, ce qui est important, c'est de voir qu'on a identifié que le mécanisme qui induit cette hypersensibilité est complètement différent du mécanisme de l'analgésie. Donc, on peut envisager traiter, empêcher l'hyperalgésie en diminuant la douleur. Oui. Oui, c'est ça. Tout en maintenant le caractère analgésique de la morphine. Donc, ça ne relègue pas la morphine, si on veut, au placard. Et maintenant, testez-vous des molécules qui agissent sur cette pompe à chlore? Ben, en fait, oui. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'après nos travaux sur la douleur neuropathique, on s'était mis à essayer de trouver des molécules qui allaient venir rescaper la fonction de la pompe. On en a trouvé un certain nombre qu'on continue à développer. Et on travaille là-dedans pour essayer de développer des médicaments à partir de cela. Et là, comme on voit que la morphine agit de la même façon, ces mêmes molécules pourraient être utiles comme traitement adjuvant, donc empêcher cet effet secondaire négatif de la morphine. Et à peu près, combien de composés avez-vous testé actuellement? Alors, ils sont tous basés sur une action ciblée contre la pompe au chlore. Oui, on avait fait une grande opération de criblage pour trouver essentiellement des composés qui font baisser la concentration d'ions chlorure dans les neurones et qui agissent spécifiquement justement sur cette pompe, comme tu dis. Et Donc, on avait fait un criblage, on avait trouvé un certain nombre de molécules, et là, ben, quand il faut, selon les moyens qu'on a, bon, on a poursuivi certaines de ces avenues-là. Et là, il y a tout un travail après ça à faire pendant longtemps de chimie pour trouver, améliorer les composés, après ça, tester ces composés, vérifier s'ils ont des effets secondaires, si, etc. Les tests précliniques, etc. Et c'est là-dedans qu'on est en ce moment, en espérant que ça va finir par donner un médicament intéressant. D'accord. Ben, je vous remercie infiniment, Yves de Coninck, et j'espère que vous allez revenir très bientôt nous parler des nouveaux résultats de cette étude. Merci, le plaisir est pour moi. Merci à tous les deux, c'était vraiment très intéressant.